ya biso erataka te catalyseur moto na moto Jimmy Katanae Bichunzi ta le banquier automatique Jean-Marie qui compte les 5G la boutonne na yo na la version na moko ya ya et tes scram Paulo Mutu.